Ça me bien, cette tête-là. Avec ton vieux accent de chanteur de rap, là. Hip-hop. Et cette manie que tu as de cracher partout comme un lama. C'est excessivement énervant. Salut, Steph, ça va? Vous le connaissez? Ouais, on se connaît. C'est mon pote. Et t'es pas contre moi. Excuse-toi. Excuse-toi tout de suite! M'empêche pas de faire du hip-hop, bosser avec tous ces gosses ou traîner dans toutes les rues de Toulouse avec mon hip-hop. Si je fais du rap, c'est pas pour m'en prendre à tous ceux qui s'y frottent, mais juste parler d'une situation sur instru ou sur beatbox. Sans vouloir être une icône, je fais ce que j'aime le plus, donc on n'empêche pas car toi et moi on est ni frère ni pote. Je m'isole, à peine me défaire d'or camisole, pendant que certains s'exhibent et clipent danser sur Crazy Frog. Je n'ai pas la part de ZZ Top, la dégaine des clip-hop, encore moins de meufs autour de moi gonflées de silicone. Et si tu crois j'ai une tête à passer dans les sitcoms, comme c'est que tu m'as pas bien gardé car je me sens bien si loin des people. J'me dis pas B-boy, j'suis pas dedans en inox, j'suis pas l'idole des jeunes et j'compte pas jouer du pipo. J'griffole ma paix pendant technique au taf sur Izone. Et si tu pas t'y-fall, c'est que t'as raté un épisode. Hein, c'est pas un compliment équivoque. Et si tu penses du mal de moi, alors c'est réciproque. Écoute ceci, car la musique est si bonne. Arrête la picole et pense à travailler ta diction. J'ai pas de piston, j'retourne pas mon veston. Alors cesse donc de faire ton grand et de m'appeler piston. J'suis direct, franc et peut-être pas si con. La preuve, je dis tout en une minute et 10 secondes. Le mic une grenade, je veux juste de cramer le beat, de rapper mes titres.